ta gueule mon pote, on représente pour nos blocs. Moi pas moi, c'est la trapulerie, c'est la sauvagerie. Moi pas moi, de mes bits dans le cul, les ricales se dominent. Moi pas putain de gueule, un putain de glock. Vas-y ferme ta gueule mon pote, on représente pour nos blocs. Mon rap baisse tout comme une bouteille, cassé sur ta tête. A-L-I-P-I, plus de bruit qu'une pute que l'on pète. Arrête de tester, arrête de contester le micro. C'est ma bite et je donne beaucoup trop de fessé. Mon RAP, mon numéro d'écrou, 9B, c'est un coup, encore la merde, préparez-vous. Rime Kalashnikov, pas marrant comme Titov. C'est pas du cinéma, je les baisse des Robocop. Arrête de lasser, trop parler de casé. Je t'ai mis dans le vent, c'est pas semblant de faire tes lacets. Mon rap est dur, dur comme un braquage. Mes couplets font monter les nerfs, augmente la rage. Ma musique est dans tous les coups fourrés. Elle met l'ambiance ghetto, que tu sois agent ou bourré. Tu sois agent ou bourré, tu sois agent ou bourré. Moi pas moi, c'est la crapulerie, c'est la sauvagerie. Moi pas moi, de mes bits dans le cul, les ricales se dominent. Moi pas putain de gueule, un putain de glock. Vas-y ferme ta gueule mon pote, on représente pour nos blocs. Moi pas moi, c'est la crapulerie, c'est la sauvagerie. Moi pas moi, de mes bits dans le cul, les ricales se dominent. Moi pas putain de gueule, un putain de glock. Vas-y ferme ta gueule mon pote, on représente pour nos blocs. Nos ruelles crient, les toxicos s'éveillent. Dans les rues de Paris, au comico, mon rap se réveille. J'suis attiré à tout ce qui brille, comme le miel pour les abeilles. Ouvrez tes oreilles, mange pas ce putain de rap qui te fait penser à un putain de deuil. Qui a dit que le rap est mort, que j'baisse un race comme un Sodome et Gomorre. Poison rappeur de charme, ma voix en cavale. J'baisse ta femme, la pute, mon sperme et l'aval. J'ai les RG, mon rap dans mon boucle. En concert, ils viennent me louper. Mon rap est trop violent, interdit au moins de 30 ans. Le canon sur la tempe, agressif comme la BAC. Sans que l'impression m'en déconseille aux jeunes de la fac. Une musique légale dans le ghetto, illégale aux yeux de la loi. Fais bouger les blocs, fais péter les glocks, négro. C'est nous que t'entends, c'est nous qu'on attend. À l'appareil, c'est pas Camaro, tragédie. C'est poison, pastos, alibi. Moi, c'est la crapulerie, c'est la sauvagerie. Moi, pas moi, de mes bits dans le cul, les ricales se dominent. Moi, pas putain de gueule, un putain de glock. Vas-y, ferme ta gueule, mon pote, on représente pour nos blocs. Moi, pas moi, c'est la crapulerie, c'est la sauvagerie. Moi, pas moi, de mes bits dans le cul, les ricales se dominent. Moi, pas putain de gueule, un putain de glock. Vas-y, ferme ta gueule, mon pote, on représente pour nos blocs. De comme chaque coup, en fait, à chaque coup, dans chaque couplet, ajouté à ce truc qui fait que tu te mets à l'écoute. Moi, c'est cinéma, haine et larmes, peine et drame, mais toujours fier et fort comme un frère libéral, violent. Car c'est la vie qui veut ça, la petite touche qui frappe, fiston. Que les petites jattes qui feront mon rap. Un haut-parleur pour ceux qui subissent. Un putain de vent en l'air pour les proies qui sévissent. Mon rap, toujours au P quand y'a un mal. Un beat qui frappe, faux calage. Des mecs qui rapent à son garage. Bah, bah, viens battre si tu peux pas, non. Si t'as flairé, s'te plaît, pense à me dire pardon. Mon rap, toujours classieux mais pas classé. Mais comme la roue tourne, le rap français, j'viens déclasser. Toujours en indé, ouais, ouais. Du sud à la street, ça restera vrai, papy. De l'attitude aux lyrics. Moi pas moi, c'est la crapulerie, c'est la sauvagerie. Moi pas moi, de mes bits dans le cul, les ricales se dominent. Moi pas putain de gueule, un putain de glock. Vas-y ferme ta gueule mon pote, on représente pour nos blocs. Moi pas moi, c'est la crapulerie, c'est la sauvagerie. Moi pas moi, de mes bits dans le cul, les ricales se dominent. Moi pas putain de gueule, un putain de glock. Vas-y ferme ta gueule mon pote, on représente pour nos blocs. Moi pas moi, c'est la crapulerie, c'est la sauvagerie. Moi pas moi, de mes bits dans le cul, les ricales se dominent. Moi pas putain de gueule, un putain de glock. Vas-y ferme ta gueule mon pote, on représente.